Quelle taille ? 2000 litres ? Un demi. Suggestion, un peu de sujet, de sujet de marque, quel bio en entrée ou en plat, en gratin. Thank you.